Audiomatique. We'll be right back. Les premières notes entendues à cette transmission 013 d'Audiomatique provenaient de la pièce Mystical Chance du duo allemand Safie Brothers. Cette pièce se retrouve sur l'album Midnight's Children, lancé en 2000. Pour la prochaine heure, les sonorités électroniques continueront de se déployer au fil de cette dernière transmission de l'année 2014. En effet, les mercredis 24 et 31 décembre, ce sera une programmation spéciale du temps des fêtes qui prendra, malheureusement, la place des électronistes sur les ondes de C'est fou. Mais ne vous en faites pas, nous serons de retour dès le mercredi 7 janvier 2015 en gardant toujours le même mandat, soit d'explorer le vaste et infini répertoire de la musique électronique d'hier à aujourd'hui. Cela dit, poursuivons sans attendre avec la musique de Surface 10, le projet de l'artiste Dean De Benedictis, accompagné de la violoniste Laura Escoudé et de la vocaliste Catherine Deering. Il nous livre la pièce B2 Gigacosm, tirée de l'album Surface Tensions, paru en 2006. Nord. La séquence se terminait sur une pièce composée par l'artiste torontois Michael Morton à travers son projet Displacer. Il s'agit de la pièce homonyme de l'album The Witching Hour. Avant Displacer, c'était le projet Out Out, duquel nous écoutions la pièce And Give Lustrous Aim, tirée du plus récent album Assumed Out Revealing, paru en 2012. Out Out est un projet apparu au début des années 90 et qui a connu un certain succès sur la scène de la musique électro-industrielle et Cold Wave. Après quelques années d'absence, Mark Alan Miller, l'âme derrière Out Out, est réapparu avec un son renouvelé, instrumental et davantage inspiré par l'IDM. Et on amorçait la séquence avec Surface 10 et la pièce B2 Gigacosm de l'album Surface Tensions. Nous allons maintenant entendre l'artiste allemand Sven Veit, qui nous offre en quelque sorte la pièce-titre de son premier album en tant que Sven Veit, soit An Accident in Paradise. Thank you. merveilleux. 89A. Précédemment, à la pause publicitaire, il s'agissait de l'artiste britannique Dylan J. Nathan, qui se commet musicalement sous le pseudonyme de Jega. Nous avions droit à sa composition Pitbull de son premier album Spectrum, paru en 1998. Et nous débutions cette courte séquence avec l'allemand Sven Veit, qui s'orthographie, son nom de famille s'orthographie V-A-T-H, donc Sven Veit, et la pièce An Accident in Paradise, tirée de son premier album en tant que Sven Veit, soit An Accident in Paradise, paru en 1992. Nous continuons cette transmission d'audiomatique avec un artiste canadien du nom de Tona Walter O'Hama. Celui-ci a fait son entrée en 1982 sur la scène dite Minimal Wave. Ça, c'est un courant de la musique électronique qui se distingue du New Wave avec un son plus brut, délaissant la guitare pour mettre davantage l'accent sur l'utilisation de synthétiseurs et autres objets bruitistes. Donc, O'Hama, c'est le nom de son projet, a produit lui-même son premier album en 1984 sur sa propre étiquette de disque O'Hama Records. Depuis, il a fait des apparitions très sporadiques puisque son deuxième album a suivi en 1994 seulement et son troisième en 2010. Il semble toutefois plus actif ces années-ci puisqu'il a sorti deux albums en 2012, dont un cover de l'album Thick as a Brick de Jethro Tull, un projet ambitieux d'ailleurs puisque c'est quand même un cover de 43 minutes. Quant à nous, nous allons entendre une des premières pièces qu'il a composées en 1983 et qui paraît sur l'album de Potato Farm Tapes regroupant ses démos. Cette pièce se retrouve également sur la compilation de Minimal Wave Tapes Volume 1. Voici donc O'Hama qui nous interprète My Time. My time. 32 Crash est la formation qui concluait cette séquence musicale avec la pièce A Tiny Foil of Oil parue sur l'album, je le dis en français, Y2112Y. Donc 32 Crash est un trio belge composé de figures bien connues de la scène électronique, soit Jean-Luc Demeyer de Front 242, ainsi que Len Lemire et Jan Doug du groupe Implant. Avant ça, nous écoutions Ladytron et la pièce Jet Age de leur premier album intitulé 604. Et c'est l'artiste canadien Tona Walter Ohama qui entamait la séquence avec une de ses premières compositions datant de 1983 intitulée My Time. On retrouve cette pièce notamment sur la compilation de Minimal Wave Tapes Volume 1. C'est presque tout en ce qui a trait à cette dernière transmission de l'émission Audiomatique pour l'année 2014. La conclusion musicale de ce soir sera assurée par le duo français Palo Alto et la pièce Pogs, qui a été ici complètement remaniée par leur compatriote Phil Vaughn sous le nom de Scopy, S-G-O-P-P-Y, pièce qui est parue sur l'album Pogs Box Remixes, lancé en 2001. Rappelons que Phil Vaughn est le leader de Von Magnet. La pièce originale Pogs se retrouve sur l'album Le Disque Dur de Palo Alto, paru en 1997. Nous vous rappelons que la programmation spéciale des fêtes de C'est Fou prendra la relève au cours des deux prochaines semaines. Les électronistes vous donnent donc rendez-vous en 2015, plus précisément le 7 janvier, pour la transmission 014 d'Audiomatique. D'ici là, vous pouvez toujours réentendre les transmissions précédentes en vous rendant sur notre page Facebook à Audiomatique CFOU. Restez à l'écoute. Dans quelques instants, les audacieuses prendront le relais. Mais tout juste avant, voici Palo Alto et la pièce Scopy. Bonne fin d'année et à l'année prochaine.